le 13-14. Jean Lebrun, dans le vif de l'histoire, vous tenez à nous communiquer aujourd'hui une nouvelle d'importance qui tient à votre situation bancaire. En 2023, si tout va bien, vous deviendrez client du CCF, banque qui pourtant n'existe plus. Oui, mais ça ne concerne pas que moi, mais aussi 800 000 personnes clientes de HSBC. Un grand nombre d'entre nous n'avions pas choisi HSBC, mais nous y étions retrouvés comme sur une plage, vous savez, déposée par les marais bancaires. HSBC, c'est une banque britanno-asiatique. Il y a 21 ans, elle a voulu s'éloigner de ses rivages, s'installer en France. Elle a, pour cela, mis le prix fort en achetant le Crédit Commercial de France, la plus petite de nos grandes banques. Et après le rachat est venu l'unification des noms. Nous autres clients, nous nous sommes retrouvés sous la marque HSBC. H comme Home, Sweet Home. S comme Succès. B comme Business. Et C comme Client d'abord. Vous ironisez, en vrai HSBC, c'est Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Et si on croit les services de com, elle a été créée en 1865 par un Écossais pour soutenir le flux croissant d'échanges et de marchandises entre les places asiatiques, thé et soie de Chine, coton et jute des Indes, sucre des Philippines, riz d'Indochine. C'est complètement vrai. Si on ajoute que la naissance d'HSBC intervient dans le contexte des traités inégaux, après les guerres de l'opium, et ça, ça pardonne pas combien de fois j'ai entendu « Ah oui, t'es client de la banque de l'opium !» Et en plus, et aujourd'hui encore, ta banque ne se tient pas comme il convient. Je vais pas préciser davantage pour ne pas causer d'ennui à ma conseillère qui se comporte avec la plus grande exactitude. De toute façon, HSBC a décidé de se recentrer sur sa zone d'origine. Fini les États-Unis, la France, l'Occident ne tient plus ses promesses. C'est, il est vrai, difficile pour la banque de détail aujourd'hui. Alors le réseau HSBC France a été vendu pour un euro symbolique à un établissement de crédit qui, comme son nom ne l'indique pas, est français, My Money Group. My Money Group, ça fait pas très Jean Lebrun, ça. Oui, bah, dans le packaging de la vente, il y a la vieille marque CCF et tous les Français qui sont nés comme moi dans la plus haute antiquité se souviennent et favorablement de cette marque. Vous savez, on a tendance à embellir la mémoire de ce qui a disparu récemment. Le président Chirac, l'Alpine Renault, la R5, les marketeurs vous diront qu'une vieille patine qui brille encore, ça booste la notoriété. Packaging boosté et donc My Money Group qui va relever la marque CCF en 2023. Bon, alors j'étais à peu près tranquillisé quand je me suis souvenu d'un ami toujours à découvert et qui pour une fois avait un solde très modestement créditeur, une centaine d'euros. Aussitôt, il s'était rendu à son agence pour exiger de savoir comment la sécurité physique de son argent était assurée. Alors, pour me conforter, me voilà parti dans la direction du siège historique de l'ex-CCF au 103 Champs-Élysées. Patatras, un trompe-l'œil dissimule un chantier sur la façade, 100 mètres de long, et indique que le propriétaire, c'est maintenant Dior. My Money Group va loger le futur CCF à la Défense. Enfin, toutefois, je me suis souvenu qu'autrefois, l'artisan de la vente à HSBC, Charles de Croisset, m'avait fait visiter l'endroit et m'avait révélé que l'histoire du 103 avenue des Champs-Élysées, c'était pas sans tache. Le bâtiment en forme de vaisseau avait d'abord été un hôtel meublé. De luxe, certes, un hôtel meublé quand même. Un nichoir pour garçonnière. Charles de Croisset m'avait montré ce qui en subsistait, le salon où avait œuvré Mata Hari, où elle avait été arrêtée pour trahison. Mata Hari, la danseuse espionne, l'anti-Joséphine Baker. On ne trouve jamais de source pure dans l'histoire bancaire. Il s'en passe de belle dans votre banque. Merci Jean. France Inter.